السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc ceci est le quatrième cours sur cette conférence de Cheikh Ben Baz, rahimahullahu ta'ala. Et donc, nous nous étions arrêtés là où le Cheikh dit, rahimahullah, فَعَقِيدَةُ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي هِيَ عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هِيَ مَا بَيَّنَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ فِي كِتَابِهِ الْعَظِيمِ وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام وتلقاه الصحابة عن نبيهم رضي الله عنهم وبلغوه للناس هو دين الله وهو توحيد الله وطاعته واتباع رسوله وترك ما نهى عنه والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. Donc, Cheikh, il dit, la croyance des musulmans, qui est la croyance des gens de la Sunna et du groupe sauvé, c'est ce qu'Allah a expliqué à ses serviteurs dans son noble livre, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué, et que les compagnons radiallahu anhum ont reçu et ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont transmis aux gens. Et c'est la religion d'Allah. Et c'est l'unicité d'Allah et son obéissance. Et le suivi de son messager. Et le délaissement de ce qu'il a interdit. Et de croire à tout ce dont Allah et son messager nous ont informé. هذا هو دين الله. وهذا هو العقيدة التي درج عليها سلف الأمة. وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. C'est cela la religion d'Allah. Et c'est cela la croyance sur laquelle a cheminé ou sur laquelle ont cheminé les prédécesseurs de cette communauté. C'est la croyance des gens de la Sunna et du groupe sauvé. Al-Imanu billahi wa rasuli wal-Imanu bi kulli ma akhbar Allahu bihi wa rasuluh. De croire en Allah et en son messager et de croire à tout ce dont Allah et son messager nous ont informé. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il a une très belle parole dans laquelle il dit « Amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. » Donc l'imam al-Shafi'i, il disait « J'ai cru en Allah et à ce qui est venu d'Allah comme Allah l'a voulu. Et j'ai cru au messager d'Allah et de ce avec quoi est venu le messager d'Allah comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a voulu. » Puis Cheikh Ben Baz, il continue, il dit, donc il dit wa hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaa'a al-imanu billahi wa rasulihi والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله والعمل بذلك قولا وعملا وعقيدة. Donc la croyance des gens de la Sunna et du groupe sauvé, c'est de croire en Allah et en son messager et de croire à tout ce dont Allah et son messager nous ont informé et d'appliquer cela par la parole, l'acte et la croyance. Donc لا يكفي الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان لمن يدعي الإيمان. Il ne suffit pas pour celui qui prétend avoir la foi, il ne lui suffit pas simplement d'avoir la croyance dans le cœur et de le prononcer avec sa langue. بل لا بد مع ذلك من العمل بالجوارح حتى يتحقق الإيمان. Mais il faut nécessairement avec cela, avec la croyance dans le cœur et avec la prononciation par la langue, il faut nécessairement et obligatoirement, il faut avec cela l'application par les membres, afin que quoi? Afin que la foi se concrétise réellement. Puis Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il continue, il dit concernant cela: an mahabbatin wa inqiyadin wa ikhlasin wa muwalatin wa muadat. Donc tu appliques cela avec amour et avec soumission et avec sincérité et avec alliance et désaveu. Et là je rajoute, lorsqu'il dit muwalatan wa muadatan, avec alliance et désaveu, فتحب هذا الإيمان وهذه العقيدة وتنقاد لها وتخلص لله فيها وتوالي أهلها وتنصرهم وتعادي مخالفيها وتهجرهم. Donc, tu dois aimer cette foi et cette croyance, et tu dois t'y soumettre, et tu dois être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala dans cette foi et dans cette croyance. Tu prends pour alliés les gens de cette croyance, les gens de la sunna. Tu les prends pour alliés et tu les secours. De la même façon que tu prends pour ennemis ceux qui contredisent cette croyance. Et tu t'écartes d'eux. Fal imanu billah, Cheikh Ben Baz continue, il dit: Fal imanu billahi wa rasulihi هو الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من الطاعات القولية والفعلية. Donc, la foi en Allah et en son messager, c'est de croire à tout ce dont Allah et son messager nous ont informé parmi les actes d'obéissance par la parole et les gestes. على المؤمن أن يتلقى ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما تلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من السلف الصالح. Donc le croyant, il est un devoir pour le croyant de tirer cette croyance du livre d'Allah et de la sunna de son messager صلى الله عليه وسلم, tout comme les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم et ceux qui sont venus après eux parmi les pieux prédécesseurs l'ont fait. وقد بينه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة شرح للناس دين الإسلام والإيمان والإحسان وأوضح للناس أوامر الله ونواهيه قولا وعملا. Et tout cela, le prophète صلى الله عليه وسلم l'a clairement expliqué dans beaucoup de hadiths. Il a expliqué aux gens la religion de l'islam, la foi, l'excellence et l'ihsan. Et il a expliqué aux gens les ordres d'Allah. Il a éclairci aux gens les ordres d'Allah ainsi que ses interdits par la parole et par l'acte. Yani par la parole et par l'acte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a éclairci les ordres d'Allah ainsi que ses interdits. فَعَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هي العمل بكل ما أخبر الله به ورسوله وبكل ما أمر الله به ورسوله. Donc la croyance des gens de la sunna et du groupe sauvé, c'est d'agir, ou d'appliquer plutôt, c'est d'appliquer tout ce dont Allah et son messager nous ont informé, et tout ce dont Allah et tout ce qu'Allah et son messager nous ont ordonné. عن إيمان صادق وإخلاص لله. Avec une foi véridique et une sincérité envers Allah, wa mahabbatin, et avec amour, c'est-à-dire pour Allah, wa rahbatin wa rahba, et avec espérance et crainte, rahbatan fi ridallahi wa thawabih, wa rahbatan min sakhatillahi wa iqabih. C'est-à-dire, lorsque le cheikh il dit là, yani, avec espérance, on applique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager avec espérance et crainte, c'est-à-dire en espérant la satisfaction d'Allah et ainsi que sa récompense, et par crainte de la colère d'Allah et de son châtiment. Puis Cheikh il dit: فَهُمْ يُؤَدُّونَ أَوَامِرَ اللَّهِ وينتهون عن نواهي الله ويقفون عند حدود الله، عن إيمان بالله ورسوله، وعن إخلاص وصدق، وعن رغبة ورهبة. Et donc les gens de la Sunna, ils appliquent les ordres d'Allah et ils s'écartent des interdits d'Allah et ils s'arrêtent aux limites d'Allah par foi en Allah et en son messager et avec sincérité et véracité et avec espérance et crainte. La ria'a wa la sum'a, non pas par ostentation pour que les gens le voient ou l'entendent puis qu'il fasse ses éloges et qu'il l'élève. Les gens de la Sunna n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala par ostentation, pour que les gens les voient et les écoutent, et pour que les gens fassent leurs éloges, et pour que les gens les élèvent, pour qu'ils prennent de la place dans les cœurs des gens. Les gens de la Sunna adorent Allah subhanahu wa ta'ala et suivent les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam par sincérité envers Allah et avec véracité, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction, et en craignant le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa colère. ولا نفاقا, et ni par hypocrisie. Les gens de la Sunna n'adorent pas Allah non plus par hypocrisie, en montrant le contraire de ce qu'ils ont dans le cœur. ولكن عن إيمان وعن صدق, mais c'est avec foi et avec véracité. Et donc vous voyez bien comment le Cheikh insiste sur la sincérité dans la croyance et la sincérité dans les actes, que tu dois rechercher par là la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa récompense, non pas les éloges des gens et non pas une place dans la société et dans la communauté, et non pas également pour rechercher des biens et de l'argent ou autre parmi les profits mondains. Mais tu crois à cette croyance, la croyance des pieux prédécesseurs, la croyance des salafs, la croyance des gens de la Sunna et du groupe sauvé, et tu appliques cette croyance et ce qu'elle implique. Tu appliques tout ça par sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et par conformité aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le Cheikh dit: وهذه العبادة التي خلقوا لها سماها الله إسلاما وسماها إيماما إيمانا وسماها تقوى وسماها هدى. Cette adoration pour laquelle ils ont été créés, Allah l'a appelé Islam, et il l'a appelé Iman, c'est-à-dire foi, et il l'a appelé taqwa, piété, et il l'a appelé guidé. Inna ad-din 'inda Allah al-Islam, certes la religion auprès d'Allah c'est l'Islam. Wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda, il leur est venu de la part de leur Seigneur la guidée. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, certes les pieux seront dans des jardins et des sources, yani des sources d'eau. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, ô vous les gens, craignez votre Seigneur. Ya ayyuha alladhina amanu aminu billahi wa rasulih, ô vous qui avez cru, croyez en Allah et en son messager. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna, dites, nous croyons en Allah et en ce qui a été descendu sur nous. Et dans la suite du verset, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. C'est-à-dire, dans la suite de ce verset, le dernier verset qui a été cité, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la traduction rapprochée du sens: dites, nous croyons en Allah et à ce qui a été descendu vers nous, et à ce qui a été descendu vers Ibrahim, et Ishaq et Yaqub et les tribus et à ce qui a été donné à Moussa et à Issa et à ce qui a été donné à tous les prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et nous sommes entièrement soumis à lui, c'est-à-dire à Allah. Fahiya imanun wa islam wa hudan wa taqwa wa birr wa salahun wa islah. Donc cette adoration pour laquelle nous avons été créés, cette adoration, c'est la foi, c'est l'islam, c'est la guider, c'est la piété, c'est la bienfaisance, c'est la vertu et c'est la réforme. هذه العقيدة التي درج عليها أهل السنة والجماعة. C'est cela la croyance sur laquelle ont cheminé les gens de la Sunna et du groupe sauvé. وهي دين الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وبعث به جميع المرسلين. Et cette croyance, la croyance des gens de la Sunna et du groupe sauvé, c'est la religion d'Allah avec laquelle il a envoyé son messager, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, et avec laquelle il a envoyé tous les messagers. Qawlun wa amalun wa aqida. Ce sont des paroles, des actes et une croyance. Qawlun bil lisan, wa amalun bil jawarih, wa aqidatun bil qalb. Une parole, ce sont des paroles avec la langue, des actes avec les membres, et une croyance dans le cœur. An mahabbatin, avec amour. وعن إخلاص avec sincérité, وعن صدق avec véracité, وعن رغبة ورهبة et avec espérance et crainte. وجميع ما جاءت به الكتب والرسل يندرج تحت الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. Et tous ceux avec quoi sont venus les livres et les messagers s'incluent dans la foi en Allah, en ses anges, en ses livres qu'il a révélés, en ses messagers qu'il a envoyés, au jour dernier et au destin bon et mauvais. وهذه هي أركان الإيمان الستة. Et ça, ce sont les six piliers de la foi. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres qu'il a révélés, en ses messagers qu'il a envoyés, au jour dernier et au destin bon et mauvais. كما قال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, la bienfaisance n'est pas de tourner vos visages vers l'est ou l'ouest, mais la piété est de croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Wa qala ta'ala, قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. Et Allah a également dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, dites, nous croyons en Allah et à ce qui a été descendu vers nous, jusqu'à la fin du verset que nous avons cité précédemment. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية. Également dans cet autre verset, dont la traduction rapprochée du sens est le messager et les croyants ont cru à ce qui a été descendu sur eux de la part de leur Seigneur. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses prophètes, en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, ces messagers, jusqu'à la fin du verset. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله Également dans cet autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens, ô vous qui croyez, ô vous qui avez cru, croyez en Allah et en son messager. Puis le shirk continue et il dit فدين الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة هي الإيمان بالله قولا وعملا وعقيدة. Donc la religion de l'islam et la croyance des gens de la sunna et du groupe sauvé, c'est la foi en Allah par la parole, les actes et la croyance. ويدخل في الإيمان ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لجبرائيل عليه السلام. Et entre dans la foi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à Jibrail. Naam, Jibrail, c'est un autre nom de Jibril. On l'appelle Jibrail ou Jibril. Les deux sont corrects. Dans certains textes religieux, naam, dans certains versets, il est appelé Jibrail et dans d'autres il est appelé Jibril. Et pareillement, dans certains hadiths, vous trouvez Jibrail et dans d'autres hadiths, vous trouvez Jibril. Et ça désigne la même personne qui est l'ange Jibril, alayhi salam, Gabriel, comme les chrétiens l'appellent, qui est l'ange qui est chargé de la révélation. Donc, entre dans la foi, nous dit le shir, entre dans la foi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à Jibril alayhi salam lamma sa'alahu 'anil islam wal iman wal ihsan. Lorsque Jibril a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam, sur la foi et sur l'excellence, bayyana lahu arkan al islam al khamsa wa arkan al iman al sitta wal ihsan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué les cinq piliers de l'islam et les cinq piliers de la foi, ainsi que les six piliers de la foi, et également il lui a expliqué l'excellence, al-ihsan. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit à Jibril, lorsque Jibril l'a interrogé sur l'islam, il lui a dit « L'islam, c'est que tu témoignes que nul ne mérite d'être adoré en vérité à part Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes, que tu acquittes la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage à la maison sacrée, c'est-à-dire à la Mecque, si tu en as les possibilités. » « Qala mal iman » Puis Jibril lui a dit « Quelle est la foi ?» Qu'est-ce que la foi? فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: la foi, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon et mauvais. قال ما الإحسان. Jibril lui a demandé « Qu'est-ce que l'excellence ?» قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu à sa question « Qu'est-ce que l'excellence ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui certes il te voit. هذا هو دين الله عند التفصيل إسلام وإيمان وإحسان. Donc c'est ceci, Cheikh Ben Baz nous dit, c'est ceci la religion d'Allah. Lorsque tu détailles, elle contient l'islam, la soumission, l'iman, qui est la foi, ou l'ihsan, qui est l'excellence. فالإسلام ما أمر الله به ورسوله من الأعمال الظاهرة. Donc l'islam, c'est ce qu'Allah et son messager ont ordonné parmi les actes apparents. Tusamma islaman, yani khudu'an lillah. Elles sont appelées Les actes apparents, ils sont appelés islam, c'est-à-dire soumission à Allah. L'islam, al-inqiyad wa dhullu lillah. L'islam, c'est la soumission et l'humilité devant Allah. Samma Allahu dinahu islaman li'anna al-muslima yanqadu lillah wa yadhallu lah wa yu'addi haqqahu an khudu'in wa dhullin wa inkisar. Wa hadha huwa al-ibada. Donc Allah a appelé sa religion islam, car le musulman, il se soumet à Allah et il est humble devant lui. Il accomplit le droit d'Allah avec humilité, avec avilissement et soumission. Et c'est ceci l'adoration. Summiya ibadatan li hadha. C'est pour cela que la religion de l'islam a été appelée adoration. Summiya ad-din kulluhu ibada li'annahu yu'adda bidh-dhull wal-inkisar wal-khudu' lillah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que la religion a été appelée adoration. Car la religion, elle est appliquée avec humilité et avec avilissement et avec soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. فالعبادة التي خلقنا لها هي الإسلام وهي دين الله وهي الإيمان والهدى. Donc l'adoration pour laquelle nous avons été créés, c'est l'islam. Et c'est la religion d'Allah. Et c'est la foi et la guidée. فقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره داخل في قوله أن تؤمن بالله. Et donc Cheikh il termine en disant, donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam, c'est de témoigner que nul ne mérite d'être adoré en vérité à part Allah, etc. Tout ce que le prophète a expliqué lorsqu'il a expliqué l'islam, le Cheikh dit tout cela rentre dans la parole. Quand il dit à la suite de cela, le prophète, il dit de croire en Allah. وذلك لأن المؤمن بالله حقا يقوم بأعمال الإسلام الظاهرة. Cheikh, il dit cela, que l'islam entre dans la foi, car celui qui croit véritablement en Allah subhanahu wa ta'ala, il applique les actes de l'islam apparents. Celui qui croit véritablement à Allah subhanahu wa ta'ala, il va appliquer les actes de l'islam apparents. وهذا لا يعني أن من ترك أي عمل يكون كافرا. Et ceci ne veut pas dire que celui qui délaisse n'importe quel acte parmi les actes de l'islam, ça ne veut pas dire que celui-là qui a délaissé un acte de l'islam, ça ne veut pas dire qu'il est forcément un mécréant. بل ينظر إلى العمل المتروك. Mais on doit regarder l'acte qu'il a délaissé. فإن كان الشارع قد حكم بكفر تاركه كالصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم فإن تاركه يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة. Donc on doit regarder l'acte qui a été délaissé. Lorsqu'on dit que le véritable croyant, celui qui croit véritablement à Allah subhanahu wa ta'ala, il va appliquer les actes apparents de l'islam. Cela ne veut pas dire que si une personne délaisse n'importe quel acte, qu'il est devenu mécréant. Mais on doit regarder l'acte qu'il a délaissé. Si cet acte qu'il a délaissé, Allah subhanahu wa ta'ala a jugé mécréant celui qui le délaisse, par exemple, on peut citer à titre d'exemple la prière, selon l'avis le plus fort, selon l'avis le plus fort parmi les paroles des savants, la prière, celui qui délaisse la prière est un mécréant. Donc si cet acte qu'il a délaissé, Allah subhanahu wa ta'ala a jugé celui qui le délaisse mécréant, comme la prière selon l'avis le plus correct et le plus authentique, alors à ce moment-là, celui qui a délaissé cet acte-là est devenu un mécréant, il est tombé dans la grande mécréance qui fait sortir de l'islam. Car la mécréance se divise en deux. La mécréance se divise en deux. Kufrun akbar wa kufrun asghar. Il y a une grande mécréance et il y a une petite mécréance. Ou plutôt, parce que je n'aime pas trop utiliser le terme petite mécréance, ou plutôt, il y a une mécréance majeure et une mécréance mineure. La mécréance majeure, c'est celle qui fait sortir de l'islam. Et la mécréance mineure, ce sont des actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé mécréance, mais qui ne font pas sortir de l'islam, qui ne font pas sortir de l'islam. Et donc, yani, ce que je disais, c'est que comme des actes tels que la prière, et d'autres choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a jugé celui qui les délaisse comme étant mécréant, eh bien, yani, celui qui délaisse la prière est considéré comme mécréant. Wa in kana shari'u lam yahkum bi kufri tarikihi. Et si jamais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas jugé celui qui délaisse cet acte-là comme étant un mécréant, kazakat, wassiyam, walhajj, ala sahih, fa inna tarikahu yakunu asiyan, la kafiran. Donc, si Allah n'a pas jugé celui qui. Yani, si jamais l'acte qui a été délaissé, on a vu que lorsqu'une personne délaisse un acte, on doit regarder cet acte-là. Si Allah subhanahu wa ta'ala à juger celui qui délaisse cet acte-là comme étant un mécréant, alors, yani, la personne qui délaisse cet acte-là est un mécréant et il est sorti de l'islam. Par contre, si Allah n'a pas jugé celui qui délaisse cet acte-là comme étant un mécréant, tel que la zakat, le jeûne du ramadan, le siyam, le hajj, le pèlerinage, selon l'avis le plus authentique, c'est que celui qui ne paye pas la zakat, ou celui qui ne jeûne pas le ramadan, ou celui qui ne fait pas le pèlerinage, alors qu'il en a les possibilités, l'avis le plus authentique, c'est que celui qui délaisse ces choses-là, ces actes-là, n'est pas un mécréant. Mais il est considéré comme étant un grand désobéissant. Et comme un pécheur. Donc, il est considéré comme désobéissant et comme pécheur, non pas comme mécréant. Donc c'est un croyant, mais qui a une foi basse. Qui a une foi basse. Et cette personne qui a délaissé ce genre d'acte, comme le fait de ne pas payer la zakat ou de ne pas jeûner le mois du ramadan ou de ne pas faire le pèlerinage alors qu'on en a les moyens, cette personne-là, même s'il n'est pas mécréant, c'est un croyant qui a une foi basse et c'est un désobéissant et un pécheur, et il s'est exposé, il expose son âme au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, il est en danger. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala le châtie, sauf si Allah lui pardonne son péché par sa grâce et par sa miséricorde. Car la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde sont immenses. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et il pardonne à qui il veut selon sa grâce et sa miséricorde. Et il châtie qui il veut selon sa justice et sa sagesse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien qui mérite le pardon et la miséricorde et qui mérite le châtiment et la punition. C'est ainsi que se termine le cours d'aujourd'hui, inshallah ta'ala. Nas'alullah azza wa jal an yanfa'ana bima 'allamana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yazidana 'ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil 'alamin.